Les poètes en règle générale habitent au ciel sous les toits. Un bric-à-brac original où le courrier ne parvient pas. Le facteur ne fait pas de détour, ne porte pas à domicile les petits mots d'amour qui rendent la vie moins difficile. Les poètes logent une chambre où ils s'abritent l'hiver venu. Quand descend le froid de décembre, avec le spleen au bout de la rue, sur la table il y a du pain, il y a du vin, il y a un verre. C'est tout ce dont ils ont besoin, c'est tout ce qu'ils espèrent. De leur tournée dans les cafés et se cramponnent dans le noir à la rampe et à l'escalier. Couchés, ils dorment tout habillés et dans la nuit à travers la cloison on les entend ronfler comme un seul homme à l'unisson. Les poètes en règle générale habitent au ciel sous les toits. Un bric-à-brac original où le courrier ne parvient pas. Le facteur ne fait pas de détour, ne porte pas à domicile les petits.